Hortense, en embrassant sa mère, échangea de bouche à oreille et de cœur à cœur quelques phrases dont le secret fut trahi pour bête par leur hochement de tête. Adeline va comme moi travailler pour vivre, pensa la cousine bête. Je veux qu'elle me mette au courant de ce qu'elle fera. Ses jolis doigts sauront donc enfin, comme les miens, ce que c'est que le travail forcé. À 6 heures, la famille passa dans la salle à manger. Le couvert d'Hector était mis. « Laissez-le, » dit la baronne à Mariette. « Monsieur vient quelquefois tard. »« Oh, mon père viendra, » dit Hulot-fils à sa mère. « Il me l'a promis à la chambre en nous quittant. » Lisbeth, de même qu'une araignée au centre de sa toile, observait toutes les physionomies. Après avoir vu naître Hortense et Victorin, leurs figures étaient pour elle comme des glaces, à travers lesquelles elle lisait dans ses jeunes âmes. Or, à certains regards jetés à la dérobée par Victorin sur sa mère, elle reconnut quelque malheur près de fondre sur Adeline et que Victorin hésitait à révéler. Le jeune et célèbre avocat était triste en dedans. Sa profonde vénération pour sa mère éclatait dans la douleur avec laquelle il la contemplait.